heartbeat that never could disappear. Although I have no way I can explain it, it's just that I keep hearing this refrain. Sinner, and dancing is my crime. It seems a sin I've got to give in to syncopated time. It makes me lose my dignity, it makes me lose my poise. And some folks call it music, but my folks call it noise. I like music, old or new, but music makes me do the things I never should do. I like music, sweet or blue, but music makes me do the things I never should do. My self-control was something to brag about, now it's a gag about town. The things I do are never forgiven for just when I'm living them down. I hear music, then I'm through, for music makes me do the things I never should do. Self-control was something, but now it's a gag about town. The things I do are never forgiven, but just when I'm living them down. I hear music, then I'm through, for music makes me do the things I never should do. La musique, qu'est-ce qu'on ferait sans la musique? Dites-moi, musique makes me, la musique me fait de l'effet. C'est Fred Astaire qui fait bien sûr des claquettes en 1934 dans le film Flying Down to Rio. Une chanson de Vincent Humans et puis pour débuter, juste auparavant, Laura Osnes. Je peux entendre et toujours entendre la musique, I still hear the music. Un extrait de son album Solo, If I Tell You. C'était en 2013, une chanson de Maury Yeston. Alors les comédies musicales savent célébrer allègrement la vie. Parfois, on le sait, jusqu'à l'exil. exubérance avec souvent de grands ensembles et des danses vivifiantes. Et puis parfois, oui, il y a un sous-texte. Par exemple, dans Un violon sur le toit, la comédie sur un laitier juif en Ukraine qui fuit avec sa famille les pogroms en Russie. Eh bien, tout cela ne les empêche pas de célébrer la vie. C'est au cours d'un numéro qui s'intitule « To Life ». Alors voici une version particulière de cette chanson interprétée par celui qui a écrit les paroles, Sheldon Harnick, avec Kate Baldwin, « Un violon sur le toit » qui est depuis 10 jours à nouveau à l'affiche à Broadway. When I asked Sheldon to be my special guest for this evening, I thought long and hard about what song we should sing together. We talked about a lot of possibilities, but one song leapt to the forefront as the absolute favorite candidate, considering how good my Yiddish has gotten. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Sheldon Harnick. Said that real good. L'chaim. L'chaim. To life. Life has a way of confusing us, blessing and bruising us. Drink L'chaim. To life. To life. L'chaim. L'chaim. L'chaim. To life. If you've been lucky, then Monday was no worse than Sunday was. Drink L'chaim to life. Our great men have written words of wisdom to be used when hardship must be faced. Life obliges us with hardship, so the words of wisdom shouldn't go to waste. To us and our good fortune, be happy, be healthy, long life. If our good fortune never comes, here's to whatever comes. Drink L'chaim to life. To life. L'chaim. L'chaim. L'chaim. To life. One day it's honey and raisin cake, next day a stomach ache. Drink L'chaim to life. To life. L'chaim. L'chaim. L'chaim. To life. Here's to the ruble you find by chance inside your winter pants. Drink L'chaim to life. God would like us to be joyful even when our hearts lie panting on the floor. How much more can we be joyful when there's really something to be joyful for? To life, L'chaim. L'chaim, L'chaim to life. A gift we seldom are wise enough ever to prize enough. Drink L'chaim, L'chaim to life. When you are as old as I, my dear, and I hope that you never are, you will woefully wonder why, my dear, through your cataracts and catarrh, you could squander away or sequester a drop of a precious year. For when your best days are yester, the rest are twice as dear. What is a field on a fine summer night if you sit all alone with the weeds? Or a succulent pear if with each juicy bite you spit out your teeth with the seeds? Before it's too late, stop trying to wait for fortune and fate you're secure of. For there's one thing to be sure of, mate, there's nothing to be sure of. It's time.

Barbara Cook. What does it matter what dress I wear? He wouldn't notice that I was there. Would you? Put an ornament in my hair. He wouldn't see and he wouldn't care. Would you, Anatole? For years I've followed your escapades. I've heard of your deeds unheard of. From when I was only a girl in grades, your faults I would not hear a word of. But what did it matter that there was I? Your biggest fault was you passed me by. I've been this a life, little Augie? Oh, gal, I was having a ball. You's lucky. Oh, I was born lucky. And anybody what takes up with me gets lucky, too. I'm gonna make you lucky, if you loves me hard enough. No, I'm gonna love you hard, little Augie. I'm gonna love you worse than I ever did anybody else. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we'll win or we'll round of the money, but I'm with you, Augie. Me worse than you did Biglow. Oh, shucks. Biglow ain't in it. Not the way I'm gonna love you. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money. Des notes bleues dans une comédie musicale signée Harold Arlen, l'auteur du Magicien d'Oz, Come Rain or Come Shine, une chanson extraite de Saint Louis Women. C'était Vanessa Williams et Stanley Wayne Mathis. Alors aujourd'hui, vous le savez, France Musique vous propose une journée spéciale sous une signature très simple, vivre, avec un point d'exclamation. Et tout à l'heure, par exemple, cet après-midi, à partir de 13h30, eh bien, Stéphane Grant proposera aux artistes, aux musiciens, aux producteurs de France Musique de venir chacun avec leur choix de disque qui leur fait du bien. C'est de 13h30 à 19h. Moi, ce matin, eh bien, du coup, je suis venu aussi avec ma pile de disques qui nous fait du bien, qui me fait du bien. Et par exemple, s'il y a un auteur de comédie musicale qui s'est composé des hymnes à la vie, eh bien, c'est bien Richard Rodgers, je crois. Bon, on le connaît à cause de la mélodie du bonheur, mais dans Le Roi et moi, par exemple, eh bien, on se rappelle qu'une gouvernante britannique arrive au royaume de Siam pour éduquer la centaine d'enfants du roi. Eh bien, à son arrivée, voici comment elle rassure son fils qui est un petit peu effrayé à la vue de tous ces militaires torse nus et armés qui les accueillent. Lorsque j'ai peur, je siffle un air joyeux. C'est Kelly O'Hara qui est actuellement à l'affiche à Broadway dans cette production de The King and I qui interprète cette chanson. Whenever I feel afraid, I hold my head erect and whistle a happy tune so no one will suspect I'm afraid. While shivering in my shoes, I strike a careless pose and whistle a happy tune and no one ever knows I'm afraid. The result of this deception is very strange to tell. As well, I whistle a happy tune, and every single time the happiness in the tune convinces me that I'm not afraid. Make believe you're brave, and the trick will take you far. You may be as brave as you make believe you are. Brave as you make believe you are.

Judy Garland, You'll Never Walk Alone. Une autre chanson typique de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, extraite de la comédie musicale Carousel. Une comédie musicale sombre, à vrai dire, qui ne l'a pas empêché de connaître un grand succès. L'histoire, rappelez-vous, d'un homme bonimenteur de foire, violent avec sa femme, et qui se suicide après un braquage qui tourne mal. Alors une fois arrivé au ciel, on lui offre une grâce. Une journée pour aller découvrir ce qu'est devenu sa fille sur Terre. Un émouvant ballet de 11 minutes chorégraphié par Agnès Demille qui décrit la vie tourmentée de cet enfant solitaire, interprété par la danseuse Bambiline. Un moment de grâce. What do I gotta do to see her? Just look and wait. The power to see her will come to you. Is that her? That little girl there with the straw-colored hair? Pretty, ain't she? My little girl. Why'd you make me look? You said you wanted to. I know what she's going through. Something like what happened to you when you was a kid, ain't it? Somebody's gonna help her! Ready, Billy! Le ballet de Carousel dans l'enregistrement à Londres de la production de 1993. Musique, Richard Rodgers. Et maintenant, autre chose. Je me demande si vous allez reconnaître. J'ai la vie, petite mère. La liberté, petit frère. Je sais rire, petite sœur. Je prends mon pied, petit cœur. J'ai des tics étranges, fillettes. J'ai du charme à revendre, serette. J'ai mal aux dents, à la tête. J'ai des problèmes comme vous. J'ai mes cheveux là sur ma tête. J'ai ma serpente là dans ma tête. Et j'ai mes yeux au-dessus de mon nez. Et j'ai mes dents là dans ma bouche. Et j'ai ma langue et des boutons. Et j'ai mon cou et mes tétons. Et j'ai mon cœur et j'ai une âme. Et j'ai mon dos au-dessus de mes fesses. Et j'ai mes doigts au bout des mains, et j'ai mes bras, et j'ai mes jambes, et j'ai mon foie, et j'ai mon sang, et mes orteils au bout des pieds. J'ai la vie, petite mère, la liberté, petit frère, je sais rire, petite sœur, je prends mon pied, petit cœur, j'ai des tics étranges, fillette, j'ai du charme à prendre, serait, j'ai mal aux dents, à la tête, j'ai des problèmes comme vous. J'ai des biceps, j'ai des idées et des problèmes. J'ai mes tripes, j'ai mes poings, oui j'ai la vie, vie, vie, vie, vie, vie, vie. Rideau, musique. C'est parti, maintenant ici, profitons du présent. Oublie le passé, l'avenir est bloqué, ne perdons plus de temps. Ouais, bah la tempère, hein, dis donc, comment ? Oh, bah tout de même 2 secondes, il me semble. C'est un monde. Chante avec nous et danse avec nous. Et ceux qui sont là, tout près, il faut s'amuser et se tripoter, et bien plus, si affinité. Tu vois qu'il y a, assis près de toi, d'autres êtres humains. Regarde-les bien, ce sont tes voisins. Ils ne sont pas si loin. Tu sais, tu as cette chance. Oublie ta méfiance et n'attends pas demain. Pourquoi hésiter? Il faut les toucher puisqu'ils sont à portée de main. Va, tourne la tête, ne sois pas si bête et laisse-toi aller. Ce que cette honte et ta peur racontent, toi t'être surmonté. Alors souriez-vous tous et touchez-vous tous, juste pour vérifier que dans cet instant et cet exaltant, tous ensemble vous existez. Faites sonner les trompettes, sonner les clochettes, c'est notre finale. Faites courir ce contact, ces gestes exacts dans toute la salle. Allez d'en haut jusqu'en bas, de courage, jardin, n'en oubliez aucun. que vous êtes tous le destin de votre voisin. On ne dira rien, ça nous appartient. Au fond, c'est amusant. Qu'est-ce que ça peut faire? Y a pas de mystère, y a seulement le présent. Alors profite de la chance d'entrer dans la danse de ceux qui osent aimer. Puisque nous ensemble, ici tous ensemble, ça n'arrivera plus jamais. Nous ensemble, ici tous ensemble, ça n'arrivera plus jamais. Le final de la comédie musicale, le cabaret des hommes perdus avec Denis D'Arcangelo, Sinan Bertrand, Alexandre Bonstein, Jérôme Pradon. Musique, Patrick Laviosa. Parole, Christian Siméon. C'est un spectacle mis en scène par Jean-Luc Révol. Et puis, juste auparavant, vous avez reconnu Julien Clerc. Une chanson qui s'intitule « J'ai la vie », un extrait de R en 1969. Adaptation française signée quand même Jacques Lanzmann. On se termine par une... par une chanson écrite et composée par Stephen Sondheim. Oh, à vrai dire, ça s'appelle tout simplement « Être vivant ». Someone to hold you too close. Someone to hurt you too deep. Someone to sit in your chair to ruin your sleep. That's true. But there's more than that. Is that all you think there is to it? You got so many reasons for not being with someone, but Robert, you don't have one good reason for being alone. Come on, you're onto something, Bobby. You're onto something. Someone to need you too much. Someone to know you too well. Someone to pull you up short and put you through hell. You see what you look for, you know? You're not a kid anymore, Robert. I don't think you're ever going to be a kid again, kiddo. Hey, buddy. Don't be afraid it won't be perfect. The only thing to be afraid of, really, is that it won't be. Don't stop now. Keep going. Someone you have to let in. Someone whose feelings you spare. Someone who, like it or not, will want you to share a little, a lot. What does all that mean? How do you know so much about it when you've never been there? It's much better living it than looking at it, Robin. Add them up, Bobby. Add them up. Blow out the candles, Robert. Make a wish. Want something. Want something. Somebody hold me too close. Somebody hurt me too deep. Somebody sit in my chair and ruin my sleep. And make me aware of being alive, being alive. Somebody need me too much. Somebody know me too well. Somebody pull me up short and put me through hell and give me support. For being alive, make me alive, make me alive, make me confused, mock me with praise, let me be used, vary my days. But alone is alone, not alive. Somebody crowd me with love. Somebody force me to care. Somebody let me come through. I'll always be there, as frightened as you, to help us survive. Being alive. Being alive. Being alive. une chanson de Stephen Sondheim, Being Alive. Sur francemusique.fr, vous retrouverez les références des titres diffusés ce matin, le podcast, et puis vous pouvez commenter et nous suivre sur Facebook et Twitter. Le hashtag, c'est 42ERU. Et puis, c'est dimanche prochain que nous diffuserons le concert privé avec Liliane Montevecchi, Martine Monique, Christine Amado, Adelino Mello, Sophie Salio-Marie, Dophar Guéride, Laurent Vallière. Nous vous souhaitons une bonne journée sur France Musique, une journée sous le signe de, eh bien, tout simplement, d'un mot, vivre avec un point d'exclamation. Rideau. Lundi soir à 20h, vous retrouverez l'événement du festival de Donna Elshingen, repris à la Philharmonie de Paris. Le nouveau chef-d'œuvre de la compositrice Olga Neuwirth, les Encantadas, magnifiquement dirigé par Matthias Pincher à la tête de l'ensemble intercontemporain. Et dans la partie magazine, j'aurai le plaisir de recevoir le compositeur Pierre Bartholomé. Les lundis de la contemporaine, c'est à 20h sur France Musique. Arnaud Merlin. Ce soir, à 20h30, je vous propose une édition exceptionnelle de Label Pop, en hommage et en soutien au Bataclan, avec la diffusion du concert magnifique que l'Américain Joseph Arthur y donna le 15 novembre 2002. Label Pop, hommage au Bataclan, ce soir à 20h30 avec Vincent Théval. Vous vous demandez quelle musique écrivent les compositeurs d'aujourd'hui? Eh bien, à l'abrévé, vous en donne une idée tous les jours. Découvrez chaque semaine sur France Musique un nouveau compositeur à la faveur d'un puzzle musical entendu par fragments dans la semaine et reconstitué le dimanche à 22h30. Une façon d'avancer pas à pas dans l'écriture d'une pièce nouvelle. À l'abrévé, par Anne Montaron, une fenêtre ouverte sur la musique d'aujourd'hui. Vivre une journée spéciale sur France Musique aujourd'hui où les producteurs de France Musique se mobilisent pour un hommage en musique aux victimes des attentats. Ça continue juste après le journal avec Renaud Machard pour son émission Zigzag. Merci d'être avec nous sur France Musique, il est midi.